Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast qui va me permettre de m'exprimer sur les impressions que j'ai ressenties depuis que je suis au Canada. Alors, pourquoi j'ai choisi de faire un podcast plutôt qu'un blog ou des vidéos? Alors déjà, des vidéos, bah, comme j'ai pas d'image particulière à vous montrer, certes j'aurais des très jolies photos à vous montrer du Canada, mais j'ai pas particulièrement envie de monter une vidéo pour ça. Donc, à part ma tête, j'aurais pas grand-chose à montrer dans une vidéo. Donc, vous allez vous contenter du joli son de ma voix. Et pourquoi pas un blog? Parce que je suis une flemmarde en fait. Et je me connais, si je devais écrire, je passerais beaucoup trop de temps à retailler mes phrases. Ça finirait par ressembler à de la littérature du 19e siècle, tellement j'essaierais de faire des jolies phrases. Donc, je pense que je vais m'en tenir à la voix et ça va peut-être paraître un peu plus spontané. Alors, ça fait désormais un peu plus de 3 semaines que je suis au Canada. Oui, j'ai mis du temps avant de me lancer dans ce premier podcast. Et je voulais juste donner les premières impressions que j'avais, sans m'attarder sur un thème en particulier, juste les choses qui m'ont le plus frappé. Et la première impression, c'est que c'est grand. Oui, alors c'est un cliché, le Canada, c'est grand. Bravo, Irène. Mais c'est surtout que tout au Canada paraît grand. J'ai commencé par passer 3 jours à Toronto et les rues sont juste immenses, en fait. Elles font littéralement 5 km de long, voire plus. Comme c'est des villes assez récentes, c'est un peu des villes quadrilatères où les rues sont vraiment installées de manière à former des carrés. Et c'est pas quelque chose auquel on est forcément habitué en France, ça fait juste des rues qui sont très très très longues et qui parfois obligent à faire de grands détours pour aller dans deux endroits de la ville qui sont pas forcément si longs que ça. Et en plus, elles sont très larges par rapport aux rues françaises. Les voitures aussi sont très larges. Bref, beaucoup de choses sont très larges et évidemment, les espaces verts sont très larges. C'est quand même un pays réputé pour la nature. Bref, beaucoup de choses sont beaucoup plus grandes, y compris les portions de nourriture. Alors ça, c'était quand on arrive au supermarché dans un nouveau pays, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est un peu l'aventure. On ne reconnaît pas forcément, on ne connaît pas les produits qu'on a sous les yeux. Et surtout, ce qui m'a frappé au Canada, c'est que tout était vendu sous un format, mais pour moi, c'est le format familial, quoi. Donc moi, je suis une étudiante, je me fais ma nourriture pour moi toute seule. Et bah, je sais pas, j'achetais des choses en me disant, mais comment je vais pouvoir consommer tout ça avant la fin de mon semestre d'échange? Je ne sais pas, par exemple, j'ai voulu m'acheter du beurre, 250 grammes de beurre, ça n'existe pas. J'ai dû m'acheter 500 grammes de beurre. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. Je vais probablement terminer mon semestre avec un très très gros gâteau, peut-être. Voilà. Mais la chose frappante, à part le fait que tout paraisse grand, c'est également l'accueil et la bienveillance des Canadiens. C'est quelque chose qui m'a énormément frappée, notamment avec tout ce qui est les démarches administratives. Alors, bon, j'ai pas testé toutes les administrations de France, hein, mais j'ai l'impression, quand on est en France, l'administration qu'on a en face de nous est relativement impatiente. Alors qu'au Canada, ils sont plutôt bienveillants. Les deux attitudes se comprennent, c'est-à-dire que si je travaillais dans une administration et j'avais une personne en face de moi qui n'était pas forcément très prête, qui avait pas ses papiers ou quoi, je pense qu'effectivement ça me taperait un peu sur les nerfs. Mais l'attitude des Canadiens est quand même beaucoup plus positive et je pense qu'au final elle permet aussi d'aller plus vite. C'est-à-dire que ils sont vraiment dans la mentalité prenez votre temps, mettez-vous à l'aise, ils veulent pas forcément presser les gens. Moi, le jour de mon arrivée, j'avais plein de choses dans mon université, j'avais plein de choses à faire. Je suis allée voir donc le bureau pour les études en échange et ils m'ont proposé de l'aide sans aucun problème et sans être impatient. C'est limite s'ils n'avaient pas envie de faire les choses à ma place pour m'aider au maximum. Mais c'était vraiment exceptionnel et cette bienveillance, on la retrouve également, ne serait-ce que dans la rue ou sur le campus quand on se balade. Les gens peuvent avoir le look qu'ils veulent, c'est-à-dire que les looks sont beaucoup plus libres qu'en France. Il y a des gens ont des cheveux de toutes les couleurs. Les filles ont parfois des tenues que je regarde et je me dis, mais les pauvres, si elles étaient en France, qu'est-ce qu'elles se prendraient comme remarque? Enfin, les pauvres, non, elles sont pas à plaindre, vu qu'elles sont au Canada et qu'à mon avis, si elles les portent, c'est qu'elles doivent pas se prendre tant de remarques que ça. Donc, vive la France, voilà. Et oui, les gens sont beaucoup plus libres et Rien qu'en se baladant dans la rue, on a l'impression qu'il y a il y a beaucoup moins de jugement en fait. Et je trouve que toute cette tolérance et cette bienveillance, c'est quelque chose de plutôt positif. Moi, ça fait 3 semaines que je suis ici et pour l'instant, j'ai pas du tout envie de retourner en France à cause de ça. Donc, bon, peut-être que dans 2 semaines, je vais pleurer en suppliant pour rentrer chez moi parce que ma maison me manquera trop ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, cet effort qu'ils font tous pour vous accueillir, c'est quand même assez gratifiant. Ou même quand on est au supermarché ou dans un magasin de vêtements, enfin dans n'importe quel magasin, on peut commencer à parler aux vendeurs et ils sont tous extrêmement avenants, extrêmement polis. C'est une mentalité qui est très différente de la France. Je dirais pas que je suis en train d'expérimenter un choc culturel, parce que c'est pas une culture qui est si différente que ça de la nôtre. Ça reste une culture occidentale. Mais cette mentalité bienveillante, c'est quelque chose que j'aimerais importer en France. Je trouve qu'on est beaucoup trop rigide et c'est ce point de comparaison qui m'a beaucoup frappée avec également ce par quoi j'ai commencé, donc la taille de à peu près tout, les voitures, les routes, etc., etc., les villes. Bref. Donc sur ces points de comparaison, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'en ai assez dit sur mes premières impressions. Je me suis focalisée que sur deux gros points, mais j'espère pouvoir faire d'autres podcasts pour expliquer d'autres choses que j'ai trouvées très positives. Pour l'instant, j'ai trouvé plein de choses très positives, alors ça va être très bien. Et voilà, si vous avez aimé ce que j'ai raconté, si vous avez des questions sur des choses particulières au Canada, dites-les-moi, dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, les commentaires constructifs de préférence. Je préférerais ne pas recevoir des choses du style j'aime pas ta voix, j'y peux rien, hein. Ça c'est le genre de choses que je ne peux pas changer. Et voilà, c'était mon premier enregistrement. Je pense, je vais pas le retoucher, je vais le balancer tel quel. Et puis vous me direz ce que vous en pensez et ce qu'il faut que j'améliore selon vous et les questions sur le Canada auxquelles vous aimeriez que je réponde. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit à tous et à bientôt, j'espère, pour peut-être de nouveaux podcasts.